Ha. Lostiquilla, c'est le comeback. Lostiquilla, dans ce mille yes. Comeback. Lostiquilla. Yeah. Na, na, na. Ya, tu sabes. Ok. Du son qui claque, du son qui tue, du son qui tape. Ta bonne humeur dans tes enceintes sur une bête d'instru qui les boîte. Mon pote, j'ai la recette, un air entraînant et bien frais. Une touche de nos styles, pensez qu'il y a et c'est prêt. Sans se prendre la tête, on fait ce qu'on aime, ce qui nous plaît. Big up à la famille, si si, et les refrais. Toujours dans le move, mais jamais dans le loup pour autant. Car c'est du rap qu'on produit et pas des chansons pour enfants, ouais. Pas bête de scène, ni bête de sexe, mais juste moi. J'suis pas là pour vanter, faut que je représente ceux qui y croient. Alors si t'es OP, t'as plus qu'à lever les bras. Et si tu connais pas, t'as juste à crier la la la. Garçon, tu veux du son qui fasse exploser ton plafond. Fais gaffe à tes enceintes et monte le son à fond. Ouais, ça qui est mon pute, deuxième couplet, toujours d'attaque. C'est moi qui tiens les rênes, il faut qu'on perce à coup de matraque. En faisant du bruit, surtout en laissant des traces. On braque le hip-hop sans état d'âme et avec classe. Nos limites, on va la foutre en pleine face. Notre musique, et ceux qui kiffent panique sa race. Je reste sincère, sans trop en faire, je reste humble. Car c'est en parlant fort qu'on finit à terre, je suis pas dingue, ouais. Je suis lucide, la musique c'est ma passion. Si j'y arrive, ce sera à force d'amour, de patience. Mais t'inquiète pas, je serai là, au fond d'une cave ou sur 20 pistes. Je donnerai ma vie pour le rap, tant pis si je crèche, je prends le risque. Je garde la pêche, car c'est ça qu'il faut. Et je reste dans l'ambiance, suivant le tempo. Car il paraît que je suis lourd et que mon rap prend de l'âge. Mais j'ai que 25 filles, j'ai encore trop de rage. Et encore trop de rage. Ya, ya, Lostiquilla, Lostiquilla. Comeback, comeback. Sin fronteras, tu sabes ya. Ok, ok. T'as cru qu'on était mort, on était mort. On est revenu, on est revenu. Ha ha, écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça. 2010, on continue notre ascension. La chasse aux faux MC est rouverte. Alors mon gars, fais attention, pas parole en l'air, je viens défendre mon art. Sans faire de manière, on me l'a joué, la star. Casse les préjugés, ou les propos désobligeants. Ceux qui trop vite veulent me juger. Moi je fais mon rap, c'est pour mes gens. Je prends mon taf à cœur, évite les corps à corps. Car ceux qui veulent ma mort, c'est sur le micro que je les endors. Après des mois d'absence, la machine est relancée. Objectif tout niqué, avec un flow ta cadencé. C'est du new Losty. Méfie-toi des ondes de choc, plus puissant que tsunami. Tu vas tout perdre et même ton front pas. D'antidote pour contrer la menace. Tu sais qu'être pour grave prod, je me classe aux premières places, ouais. Je me classe aux premières places.